Il est temps pour nous de retrouver Patrick Pénaud, il s'est rendez-vous avec X. C'est l'histoire d'un homme qui n'existait pas. Un homme qui se gardait bien d'apparaître publiquement. Un homme dont on ne prononçait pas le nom. Un homme dont on ne trouvait trace dans aucun organigramme officiel. Jamais sans doute, l'expression « éminence grise » n'a été autant justifiée. Gris, celui qu'on ne devait jamais voir. Gris, comme les murailles édifiées autour de lui. Et pourtant, Eugène Fried, dont beaucoup d'entre vous ne connaissent peut-être même pas le nom, a joué un rôle considérable dans notre histoire. Un rôle longtemps insoupçonné. Car cet inconnu a sans doute été le vrai numéro un du Parti communiste avant-guerre. Et peut-être même a-t-il été le réel inventeur du Front populaire. Eugène Fried, qu'on appelait aussi Clément, était l'ombre de Maurice Thorez, son mentor, son ami et sans doute aussi celui que Staline avait placé auprès du secrétaire général du Parti communiste français afin de mieux le surveiller. Flic ou conseiller, mauvais génie ou inspirateur avisé, Fried a été incontestablement un personnage important, fascinant même. Pourquoi M. X, au cours de notre entretien hebdomadaire, un entretien toujours entouré de précautions destinées à garantir strictement son anonymat, pourquoi M. X, donc, a-t-il choisi d'ouvrir le dossier d'un homme qu'il n'a sans doute pas connu, puisque Fried est mort à l'étranger pendant la guerre. Une mort aussi mystérieuse que l'a été sa vie. Mais nous allons y revenir longuement avec M. X, qui m'a proposé une explication complètement inédite et assez époustouflante au sujet de la mort de Fried. Mais je vous propose d'abord un bref extrait de notre conversation. En fait, il s'agit du tout début. J'avoue que je ne comprends pas pourquoi vous voulez me parler de Fried, qui appartient quand même à l'histoire de l'avant-guerre, et donc une histoire que vous n'avez pas peu connue. Vous avez raison, mais en partie seulement. Je vous explique. Il se trouve qu'après la libération, un petit peu par hasard, j'ai trouvé un dossier sur Eugène Fried. Un dossier qui se trouvait où? Dans un endroit où l'on range d'habitude les notes sur les personnes susceptibles d'être des agents clandestins communistes. Ah, c'est-à-dire DST ou OSDEC. Hein? Peu importe. Fried était donc aussi un espion. J'ai pas dit cela, mais il faut bien savoir que pendant très longtemps, le Parti communiste a été doublé par un appareil clandestin. Il y avait les dirigeants officiels, les députés, les secrétaires fédéraux, les militants, etc. Et derrière, il existait toute une organisation clandestine. Le vrai parti. N'exagérons pas. Mais cet appareil qui recevait ses ordres directement de Moscou, formé d'hommes qui étaient tous affublés de pseudonymes, permettait au parti de subsister dans l'ombre en cas de soudaine répression. C'était au fond une survivance du temps où les bolcheviks étaient tous des clandestins. Des agents clandestins de la Révolution, bien sûr. Et agents soviétiques aussi. La différence était parfois difficile à cerner. À partir du moment où les soviétiques, au début des années 30, avaient décidé de ne plus se servir des militants pour faire du renseignement, il était tentant d'utiliser les agents du Comintern, ces commis voyageurs de la Révolution. C'est-à-dire le Comintern, c'est-à-dire les membres de l'Internationale communiste. Oui, oui, c'était si flou que nous nous sommes longtemps posé la question. Tenez par exemple l'Orchestre Rouge. Oui, le réseau soviétique anti-nazi pendant la guerre. Oui. Eh bien, comment devait-on considérer les membres de l'Orchestre Rouge? Comme d'authentiques résistants? Ou d'abord comme des agents de l'Est? Je dois avouer que, même si je n'ai aucune responsabilité dans cette affaire, que la tentation était grande de les considérer d'abord comme des espions. Les nombres d'entre eux qui ont lutté avec courage et souvent au péril de leur vie contre l'ennemi ont longtemps été l'objet d'attentions particulières de la part de la DST. Après-guerre. Oui. Or, les clandestins du Comintern, comme Fried et les membres de l'Orchestre Rouge, ont souvent utilisé les mêmes réseaux, les mêmes moyens de transmission. Mmh. Oui, mais je me répète, hein. Fried, pourquoi? Bon, parce que les circonstances de sa mort posaient beaucoup de questions, encore aujourd'hui. Je ne veux pas déflorer le récit de M. X, mais avant de reprendre la diffusion de notre entretien, il me faut quand même vous donner quelques précisions sur ce mystérieux Fried, car nous en savons un peu plus sur lui grâce à l'ouverture partielle des archives soviétiques. Grand, toujours élégant, cultivé, polyglotte, il parlait au moins une demi-douzaine de langues, Eugène Fried n'était pas un personnage ordinaire. Fried, comme Maurice Thorez, est né en 1900. Issu d'une famille juive de Slovaquie, son père est boulanger, le petit Eugène, qu'on appelle familièrement Géno, montre très rapidement d'évidentes aptitudes intellectuelles. Sa famille se sacrifie pour qu'il fasse de bonnes études. Il passe brillamment son bac, puis il commence des études de chimie. Mais à l'Est, la terre tremble. À Moscou, Lénine a pris le pouvoir, la révolution triomphe. Le jeune Fried n'y résiste pas. Il rejoint les troupes de Béla Kun, qui veut instaurer en Hongrie un régime communiste sur le modèle léniniste. Mais c'est l'échec. Fried, comme beaucoup de ses camarades, est arrêté. Libéré, il ne renonce pas à sa vocation de révolutionnaire. Il s'inscrit au Parti communiste tchèque et très vite, il est appelé à Moscou pour faire partie du Comintern, c'est-à-dire de l'international communiste. Mais, nouveau pépin, en 1925, il est arrêté en Tchécoslovaquie et passe 3 ans en prison. 3 ans qui lui permettent de lire, de se cultiver. Dès sa libération, il bénéficie d'une importante promotion au sein du parti tchèque, le PCT. Toutefois, le relatif échec de ce parti lui vaut d'être réprimandé par Moscou. Le jeune homme, il n'a que 29 ans, se soumet. Sans doute a-t-il compris que son avenir au sein du mouvement communiste international ne pouvait être assuré que s'il obéissait aveuglément à Staline. Désormais, son autocritique ayant été acceptée et même appréciée, Fried devient un des piliers du Comintern. En 1930, il est envoyé à Paris. Sa mission, reprendre en main le Parti communiste français, qui est alors au plus bas. Eugène Fried va alors pouvoir donner la mesure de ses talents. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Une question d'abord. Avant-guerre dans le Parti communiste français, qui connaissait Fried ? Quelques dirigeants, c'est tout. Et encore, beaucoup ne le connaissaient-ils que sous son pseudonyme Clément. Il savait quel était son rôle exact ? Oui, c'était l'homme de Moscou, le représentant personnel de Staline. Donc un homme à qui il fallait obéir aveuglément. Assurément. Mais Fried, qui affectait volontiers des allures de dandy, officiellement il était antiquaire, n'était pas homme à imposer sa volonté, non. Il usait de procédés beaucoup plus subtils. À raconter ? Eh bien, comme il n'apparaissait jamais dans les réunions du bureau politique ou du comité central, il s'arrangeait pour donner des rendez-vous à ses interlocuteurs dans des endroits les plus insolites. Un parc, un musée. Là, il s'arrangeait pour parler longuement à celui qu'il avait convoqué. Il l'interrogeait sur son travail, ses rapports avec les autres dirigeants et même ses amitiés. Une sorte d'interrogatoire ? Oui, mais un interrogatoire en douceur. Apparemment, en tout cas. Mais c'est ainsi qu'il faisait passer le message du Comintern et qu'il imprimait sa marque sur le parti. Le gant était de velours, mais la main était de fer. Le séducteur n'oubliait jamais qu'il était d'abord un homme d'appareil. Et Torres, hein ? Avec Torres, c'est autre chose. Il faut d'abord savoir que c'est Fried qui l'a fait roi. C'est-à-dire qu'il lui a permis de devenir secrétaire général. Oui, et pour bien comprendre, il faut revenir au début des années 30. Le Parti communiste français traverse alors une sale passe. C'est un mouvement refermé sur lui-même, miné par les querelles intestines et qui a fondu comme neige au soleil. Fried est donc envoyé par le Comintern pour remettre de l'ordre dans la maison. Et comment va-t-il procéder ? À la stalinienne. C'est-à-dire ? À peine arrivé, il instruit un véritable procès en sorcellerie contre 2 des principaux dirigeants, Barbet et Sellor. Ah oui, l'affaire Barbet et Sellor. Mais de quoi vraiment sont-ils accusés ? D'activité fractionnelle. La pire accusation dans un parti bolchevique. Il y a des preuves ? Oh, peu importe, quand il n'y a pas de preuves, on en invente. C'est ainsi qu'à l'initiative de Fried, Barbet et Sellor sont exclus. Désormais, Fried tient le parti. Personne n'osera plus remettre en cause les directives de Moscou. Alors, je reviens à ma question. Et Torres ? Torres n'est alors que membre de la direction collective, même si sa jeunesse, sa fougue, son intelligence en imposent. Il n'est encore qu'un parmi les autres. Et il a un rival sérieux, en la personne de Jacques Doriot. Le maire de Saint-Denis. Oui, l'homme qui finira par porter l'uniforme nazi. Doriot est alors un dirigeant communiste très populaire. C'est un fort en gueule, un orateur, une personnalité de premier plan. Le rival naturel de Torres. Mais Fried, j'en suis sûr, a choisi depuis longtemps, même s'il laisse les deux hommes s'opposer. Après tout, diviser pour régner, une bonne politique. Ouais, c'est juste, mais pourquoi ? Quelles sont les raisons profondes pour lesquelles il a choisi Torres contre Doriot ? Fried voyait clair dans les hommes. On ne peut pas lui retirer ça. Surtout quand on sait ce que va devenir Doriot. C'est juste. C'est Fried qui a repéré Jacques Duclos. André Marty, Benoît Frachon. On ne peut pas dire qu'il se soit beaucoup trompé sur ces hommes qui vont devenir pendant des décennies les principaux dirigeants du parti. Alors oui, il préfère Torres qu'il sait plus docile, mais aussi plus sûr, plus solide et sans doute plus intelligent. Et il fait approuver son choix par Staline. C'est ainsi qu'un étrange et secret compagnonnage va naître entre les deux hommes. Annick Riegel et Stéphane Courtois ont publié récemment au Seuil un livre sur Fried. Eugène Fried, le grand secret du PCF. Dans une interview au Figaro, Stéphane Courtois déclare « L'intelligence de Fried et son succès ont été de choisir des hommes susceptibles de se couler dans le moule stalinien, mais qui devaient présenter suffisamment de qualité pour, à terme, pratiquer seul leur stalinisme sans que Moscou ait en permanence à donner des directives. » Dans la même interview, Courtois déclare encore à propos de Fried « C'est lui qui, en 1931, a mis en place la direction historique qui conduira le parti pendant plus de 40 ans. Thorez, Duclos, Frachon, c'est lui encore qui a créé le fameux service des cadres qui va sélectionner et contrôler tous les responsables communistes pour le compte de la direction française, mais surtout du parti soviétique. » Enfin, l'historien ajoute « L'une des tâches majeures de Fried a été de staliniser le PCF, c'est-à-dire de lui faire appliquer les mœurs politiques en vigueur à Moscou dans les années 30. Il a imposé la vulgate marxiste-léniniste élaborée par Staline, le type d'organisation, un appareil de révolutionnaire professionnel régenté par le centralisme démocratique où le secret, le silence et le cloisonnement sont la règle d'or. Et la stratégie, la défense inconditionnelle de l'URSS et de sa politique. Or, cette culture d'appareil a perduré jusqu'à la fin du secrétariat de Georges Marchais. » Alors, quelle était la réalité des rapports entre Fried et Thorez? Voilà, parce que je sais... Toujours ce fameux dossier trouvé à la Libération. Oui. Fried avait beau s'entourer de 1000 précautions, ce n'est pas tout à fait un inconnu des services de police. Et j'ai noté en particulier qu'au moment de la guerre d'Espagne, sa surveillance a redoublé. Pourquoi? Parce que Fried était le véritable patron d'une compagnie maritime dont je vous ai déjà parlé, France Navigation. Ah oui, la compagnie de navigation qui était chargée essentiellement de livrer des armes russes aux républicains espagnols. Exactement, une compagnie où œuvrait aussi un certain Joanovici, vous vous souvenez? Tout à fait, et comment aurais-je pu oublier le chiffonnier milliardaire? Et naturellement, cette activité ne pouvait échapper au deuxième bureau. D'accord, mais... Pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Je vous demandais de me parler des rapports, enfin des vrais rapports entre Thorez et Fried. Au début, ces rapports ont dû être méfiants. Pourquoi? Maurice Thorez, avant de devenir le premier stalinien de France, enfin c'est lui qui le disait avec fierté, avait eu des débuts politiques beaucoup moins orthodoxes. C'est-à-dire? Eh bien, il avait même flirté avec les trotskistes. C'est le crime suprême, ça. Et Staline ne lui en a pas voulu. Je crois que le numéro un soviétique a vu au contraire un moyen de mieux le tenir, à partir du moment où Thorez abjurait, bien sûr. Ouais. Vous voulez dire que cette erreur trotskiste est restée inscrite dans son dossier? J'en suis absolument sûr. Un homme qui a failli est un homme qui reste fragile, donc dépendant. Staline adorait ça. Ouais. Donc au début, ce n'est pas le grand amour entre Fried et Thorez. Non. Et puis peu à peu, les deux hommes se découvrent. Incontestablement, l'autodidacte Thorez a dû être ébloui par la culture de Fried. Et cette fascination a favorisé chez le futur secrétaire général, qui était déjà loin d'être inculte, cette espèce de boulimie de lecture qui enrichira toute sa vie. Mais il y a encore plus. Fried et Thorez apprennent donc à se connaître et à s'estimer. Oui, mais attendez, si Fried n'apparaissait jamais dans les instances du parti, où se voyait-il? Dans des appartements amis ou des intermédiaires leur organisaient de discrets rendez-vous. Ouais. Souvent? Presque tous les jours. Mmh. C'est dire si leur rapport était étroit. Et puis presque naturellement, Thorez a invité Fried chez lui, dans sa famille. Là, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Fried, ou plutôt Clément, comme il se faisait appeler, est tombé amoureux de l'épouse de Thorez, Aurore. Encore du vaudeville? Presque. Ouais. Car à ce moment-là, Maurice Thorez venait de rencontrer une jeune, jolie et blonde militante du Nord. Jeannette Vermersch. Bien sûr. Et le couple Thorez se dissout donc sans drame. Maurice accepte même que Fried et Aurore élèvent son fils, Maurice Thorez Junior. J'imagine alors que les rapports entre les deux hommes vont être encore beaucoup plus étroits. Oui, parce que les deux couples vont se fréquenter. Ouais. Étonnant quand même, hein, cette irruption de l'amour dans cette histoire politique. Ah, les hommes restent les hommes, même les militants purs et durs. Et la suite? Je vais aller vite. La suite, c'est le Front Populaire, une invention de Fried. Avec l'assentiment de Staline quand même. Bien sûr, l'approbation tacite. Car Staline était ainsi fait, il ne disait jamais oui. Il laissait faire. Par contre, il savait dire non. Oui. Continuons. Ensuite, il y a la construction du personnage Thorez. C'est-à-dire? L'élaboration du culte de la personnalité. Exactement à l'image de ce qui se passait à Moscou avec Staline. Exactement. Et Fried disposait avec Thorez d'une créature particulièrement attractive. C'est-à-dire? En 1936, Thorez n'a que 36 ans. Il a une bouille sympathique, c'est un très bon orateur. Rien de plus facile que d'en faire l'idole du prolétariat. Le fils du peuple. Voilà. Encore une idée de Fried. On fait écrire une biographie flatteuse et un peu romancée. Le tour est joué, fils du peuple sera vendu à des milliers, de dizaines de milliers d'exemplaires même. Thorez n'est plus Thorez, il est devenu Maurice. Mais est-ce que vous n'exagérez pas un peu le rôle de Pygmalion de Fried? Après tout, par lui-même, Thorez avait suffisamment de qualité pour s'imposer. Sans doute. Mais avec un mentor aussi doué que Fried, je vous assure que les choses sont allées beaucoup plus vite. Une question quand même. Fried est juif, hein. C'est un cominternien, un bolchevique de la première heure. Comment a-t-il pu échapper aux purges staliniennes qui ont frappé les hommes qui avaient exactement le même profil que lui? Mystère. Or, c'est vrai, à partir de 1936, les compagnons de Staline, les plus anciens, sont liquidés, les uns après les autres. Ouais. Ceux qui sont en poste à l'étranger, comme Fried, sont rappelés à Moscou. Et on sait ce que ça veut dire. Ouais, accusation mensongère, procès, exécution. Oui, et pourtant, ce qui est extraordinaire, c'est que la plupart obéissent. Par esprit de parti, ils acceptent de mourir de la main de Staline par respect pour la révolution. J'avoue que c'est un des aspects les plus troublants de l'histoire du mouvement communiste. Mmh. Et Fried, lui, il est invité aussi à se rendre à Moscou? Comme les autres, oui. Mais pour lui, il y a toujours un billet de retour. Et vous avez une explication? Je ne sais pas trop. On pourrait penser qu'il était trop utile auprès de Thorez et du PCF pour que Staline imagine de s'en séparer. Mais on sait très bien que le dictateur soviétique n'a jamais hésité à sacrifier des hommes pourtant indispensables. Comme en 1936, où il a pratiquement liquidé l'élite de l'armée rouge, ce qui lui a coûté cher par la suite. Alors Fried, bon, on peut se poser des questions. Et peut-être a-t-il donné des gages à Staline en participant lui-même à cette épuration dans les rangs communistes? C'est possible, en effet. Avec l'affaire Barbet-Sellor, il avait déjà donné la preuve que les procès policiers ne lui répugnaient pas. Mais bientôt vont arriver 1939 et le pacte germano-soviétique. Fried, pour la première fois de sa vie, vacille. 4 ans plus tard, il sera assassiné. En compulsant livres et journaux après avoir enregistré ce nouvel entretien, je suis tombé sur un numéro du Monde daté du 12 mai 1969. À l'occasion du 50e anniversaire de l'Internationale communiste, pour la première fois, le fils aîné de Maurice Thorez, prénommé aussi Maurice, parle d'Eugène Fried, l'homme qui l'a élevé jusqu'à sa mort en 1943. Et il en parle en des termes très émouvants. Il écrit d'abord que dès le jour où il a appris la mort de celui qui se faisait appeler Clément, il s'est juré de ne vivre que pour sa mémoire. Je le cite. « Des raisons m'ont toujours retenu de parler, espérant que d'autres plus qualifiés le feraient. Quand je tente, ce jour, de retrouver les raisons de mon silence, elles ne sont plus que fantomatiques et inconsistantes. Ce silence provient peut-être de l'habitude que j'ai prise depuis l'âge de 8 ans, de ne rien voir, de ne rien entendre, de ne rien retenir, d'avoir deux mondes. Le monde courant de la vie avec tous les autres, la façade, et le monde, mon monde merveilleux de l'illégalité avec Clément. J'ai pourtant retenu tout entier ce deuxième monde, avec toute la sensibilité tragique de l'adolescence, malgré les consignes, malgré ma propre volonté d'anéantir la moindre preuve, même de mémoire. Mais c'était la guerre, puis, après-guerre, la calomnie du parti de l'étranger. Plus loin, Maurice Thorez Jr. parle de l'homme extraordinairement bon, intelligent et cultivé, qui connaissait par cœur l'histoire de la Révolution française et la lui apprenait. Enfin, il cite son père Maurice, qui lui a confié après-guerre en parlant de Fried. Si les Français savaient tout ce qu'il a fait pour eux, ils lui élèveraient une statue. Témoignage partial, forcément. Mais il reste de ces quelques lignes l'évidence d'une personnalité hors du commun. Vous dites qu'en 1939, pour la première fois, Fried vacille. Oui. Lui qui a pourtant connu de nombreux retournements dans la politique suivie par Staline. Il a du mal à digérer le pacte conclu entre soviétiques et nazis. Sans compter qu'il était juif et que depuis 5 ans, la politique du Parti communiste était tout entière tournée contre Hitler et les fascismes européens. Alors que fait-il? Il vacille, mais il rompt aussi? Non, il continue à obéir en bon petit soldat du Comintern. Mais en haut lieu, c'est-à-dire au Kremlin, hein, est-ce qu'on a eu vent de ce vacillement, comme vous dites? Personnellement, je le pense. Mais c'est grave, alors. Oui, parce que ça peut signifier qu'il a perdu la confiance de Staline. Et pourtant, vous me dites, Fried continue à obéir. C'est exact. Ainsi, c'est lui qui organise la désertion de Thorez en octobre 1939. Une désertion sur ordre? J'en suis persuadé. Thorez, personnellement, aurait préféré demeurer soldat sous le drapeau français. Mais on ne résiste pas à Staline et il a rejoint Moscou comme on le lui ordonnait. Mais vous le savez bien, cette désertion marquera à vie le leader communiste. Mmh. Et Fried, lui? Il rejoint un nouveau poste, Bruxelles. Toujours comme délégué clandestin du Comintern? Oui, mais premier signe de défiance, il n'est pas seul. Une autre personnalité importante de l'Internationale s'y trouve. Guéroé, un dur, qui a traqué les anarchistes espagnols pendant la guerre civile et qui se conduira plus tard en pur stalinien dans son pays, la Hongrie. Et à votre avis, Guéreux est là pour surveiller Fried ? Très possible. En tout cas, il faut noter quand même que pendant les trois premières années de la guerre, Fried continue à avoir la liaison avec Moscou, via Dimitrov, le patron du Comintern. Donc la disgrâce n'est pas si évidente que ça. Oui, et Fried, parfaitement rompu aux techniques de la clandestinité et du cloisonnement, peut vivre des jours relativement tranquilles avec Aurore, Maurice Thorez Jr. et Anna, sa première fille, tout en faisant son travail de liaison avec les partis communistes clandestins allemands, belges et hollandais. Mais en 1943, soudain, la situation devient plus critique. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, les réseaux soviétiques commencent à faire haut de toutes parts. C'est d'abord l'arrestation par la Gestapo d'un des dirigeants du Parti communiste allemand. Physiquement épuisé par des années de clandestinité, malade, torturé, l'homme finit par parler et provoque la chute de dizaines de militants. Et Fried était en relation directe avec ce dirigeant allemand ? Très indirectement. Vous devez savoir que le gros problème de tous ces hommes, communterniens, militants clandestins, résistants, c'était les transmissions. Et parfois, il arrivait que l'on partage les mêmes appareils émetteurs. Et vous allez le voir, ça va avoir une importance considérable. Mais je continue. Après les communistes allemands, c'est au tour des Belges. Et le désastre est semblable ? À peu près, oui. Là encore, un homme parle, et tout l'appareil militaire du Parti communiste tombe. Mais ce n'est pas fini. À la mi-43, nouveau coup de tonnerre. Moscou apprend que le chef de l'orchestre rouge, le célèbre Léopold Trepper, est tombé aux mains des Allemands. Et cela depuis le mois de novembre 42. Depuis plusieurs mois. Oui. Or, à ce moment-là, le réseau de Trepper n'a pas cessé d'envoyer des messages à Moscou. Conclusion, les soviétiques sont victimes d'une intoxication qui dure depuis des mois. Et comment l'ont-ils appris ? Par Trepper lui-même. Trepper qui a réussi à s'échapper et à faire passer un message par l'intermédiaire de Jacques Duclos. Ça veut dire donc qu'il n'a pas trahi ? Je ne crois pas, non. En tout cas, ça veut dire que l'organisation communiste clandestine est de plus en plus menacée. Et Fried le sait ? Bien évidemment. Et il redouble de précautions. Mais Fried sent que le filet se resserre. Et il envoie une sorte de message de détresse en France à Duclos. Pourquoi Duclos ? Parce qu'en l'absence de Thorez, c'est lui, le chef du Parti communiste français. C'est lui aussi l'homme qui a le contact radio avec Moscou. Et que dit-il dans ce message de détresse ? À bout de ressources, Fried demande de l'argent. Et aussi une planque en France pour lui et sa petite famille. Car il est persuadé qu'il est brûlé en Belgique. Réponse de Duclos ? Rien. Rien ? Et qu'est-ce que ça signifie, ça ? Je ne vois qu'une explication. Fried est lâché. Lâché par Moscou, par Staline, quoi. Ça me paraît évident. Avant-guerre, à l'époque où Fried dit Clément était le véritable patron du Parti communiste français, Duclos, comme les autres cadres, lui obéissait au doigt et à l'œil. S'il refuse aujourd'hui de l'entendre, c'est qu'il a des ordres. Ouais. Mais attendez, quand même, étant donné les difficultés que traversent alors les communistes, dans cette période de clandestinité, on pourrait aussi penser que Duclos n'est pas à même de répondre positivement au message de Fried. Non, le Parti communiste français clandestin, malgré tous les coups qu'il a reçus de la part des Allemands, est encore remarquablement organisé. Il dispose de ressources financières et il peut procurer des planques à qui en a besoin. Donc, pardon de me répéter, Duclos, en agissant ainsi, obéit à des ordres supérieurs. Mais pourquoi lâcher Fried justement à ce moment-là ? Aller savoir ce qui peut se passer dans le cerveau de Staline. Oh, c'est un peu simple, ça, comme explication. Désolé, j'en ai pas de meilleur. Admettons. Donc Fried, à Bruxelles, est aux abois, c'est ça ? Et il met les enfants, Anna et Maurice, à l'abri. Seule Aurore demeure avec lui. On est alors début septembre 1943 et le dénouement approche. Le 17 septembre, en milieu de journée, Fried se rend en compagnie d'Aurore dans une maison du quartier d'Ixelles où il dispose d'une planque. Sur ses ordres, Aurore marche derrière lui à quelques mètres, au cas où. Fried sort les clés de sa poche, il ouvre, pénètre dans un petit vestibule et aussitôt des coups de feu éclatent. Et que fait Aurore ? C'est une femme habituée depuis longtemps à la clandestinité. À quelques mètres du vestibule, elle voit un corps allongé à terre. Aurore sait qu'il n'y a plus rien à faire et elle s'enfuit. D'accord, ça c'est logique. Et je peux même vous dire qu'elle réussira à passer en France, où l'organisation du parti lui trouvera une planque. Et cette planque qu'on a refusée à Fried. Mais alors, que s'est-il vraiment passé dans le vestibule de cette maison de Bruxelles et d'abord qui a tiré ? Autant vous l'avouer tout de suite, l'affaire reste mystérieuse. La logique voudrait que ce soit la Gestapo. Le matin même dans le quartier, on a vu des voitures noires qui rôdaient. Et puis après coup, on a appris que Franz, l'un des opérateurs radio qui connaissait Fried, avait fini par parler aux Allemands. Il aurait donc donné Fried ? Pas Fried, non, mais dans les affres de la torture, il aurait donné des miettes à la Gestapo pour avoir enfin la paix. Et il aurait livré l'adresse de cette maison d'Ixelles, une planque qu'il pensait abandonner par le réseau depuis longtemps. Malheureusement, la planque était toujours utilisée par Fried. Ça se tient, non ? Tout à fait. Alors, où est le mystère ? Les mystères, vous voulez dire. À expliquer. Premier mystère. À aucun moment, les Allemands n'ont revendiqué la mort de Fried. Or, Liquider un dirigeant de l'appareil communiste clandestin d'une telle importance était un succès incontestable. Oui, mais ils auraient pu l'abattre sans savoir qui c'était. Hein. Non, ils auraient fini par l'identifier. Ils s'en seraient vantés. Alors, deuxième mystère. Eh bien, pendant longtemps, on a prétendu dans certains cercles oppositionnels que Fried n'avait pas été abattu par la Gestapo, mais par les agents de Moscou, des types du NKVD. Mais je n'y ai pas cru. Et pourquoi ? Parce que le lâchage de Fried par Moscou était déjà en soi une condamnation à mort. Alors, troisième mystère. Le corps, Monsieur Penaud, personne ne l'a jamais vu. Mais Aurore, quand même, vous avez dit. Elle a vu de loin un corps étendu par terre, c'est tout. Et bien que des recherches aient été faites après-guerre, on n'a trouvé nulle trace d'une éventuelle sépulture de Jeanne Fried. Alors, quelle est votre conclusion, alors ? Bon, ce n'est pas ma conclusion, c'est celle des auteurs du dossier que j'ai trouvé la libération. Eugène Fried, se sentant menacé à la fois par les agents de Moscou et ceux de Berlin, a choisi de disparaître, en simulant sa liquidation avec l'aide de quelques comparses. Une ultime pirouette pour un homme qui n'existait pas. Officiellement en tout cas, car il a dû refaire sa vie ailleurs sous une autre identité. Encore une fois, j'avoue que je n'ai pas pu me faire une opinion personnelle à propos de la thèse de M. X. Je dois quand même vous dire que deux historiens, tous deux spécialistes du communisme, ont adopté des points de vue radicalement opposés. Philippe Robrieux, dans son Histoire intérieure du Parti communiste, paru en 4 tomes chez Fayard, affirme que Fried a été abattu par le NKVD, c'est-à-dire les soviétiques. Quant à Stéphane Courtois, dans le livre que j'ai déjà évoqué, il soutient avec force argument que le dirigeant du Comintern a été abattu par la Gestapo. La Gestapo qui ignorait la réelle identité de Fried. Il me faut dire que Courtois a écrit son livre après avoir eu connaissance des archives soviétiques sur Fried. Mais, dans aucun livre ou article de journal, je n'ai trouvé une quelconque allusion à la thèse de M. X, celle de la disparition. À samedi prochain, pour un nouveau rendez-vous avec M. X.